Le 30 juin et le 1er juillet, les journaux, agences de presse, radios et pages d'internet russes, japonais, bulgares, indiens, népalais, indonésiens et du Congo démocratique ont présenté l'entretien du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères lancé à propos de l'hostilité continue des Américains contre la Corée socialiste.